La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Au cours du XXe siècle, les antibiotiques ont permis de diminuer considérablement la mortalité due aux maladies infectieuses, mais leur surconsommation a entraîné l'apparition de souches bactériennes résistantes. Depuis quelques années, l'émergence de bactéries donc résistantes est devenue un problème majeur de santé publique, avec la perte de l'efficacité des antibiotiques et la réapparition également de maladies que l'on croyait maîtrisées. Selon l'OMS, 700 000 personnes dans le monde meurent chaque année d'infections dues à des bactéries résistantes. Comment explique-t-on ce phénomène? Quelles pourraient être ses conséquences pour notre santé? On en parle dans un instant avec mes invités à l'occasion d'un dossier réalisé en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Et j'attends dès maintenant vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la Une de la Science, on parle de Christophe Colomb, des Indiens d'Amérique et de variations climatiques. Oui, a priori, on ne voit pas trop le rapport. On va parler aujourd'hui d'une étude qui fait un lien entre l'extinction des Amérindiens à l'arrivée des colons au XVe siècle et le refroidissement climatique de l'époque. On va expliquer tout ça. Dans un instant, donc, Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. La résistance aux antibiotiques, dossier donc dans un instant de la tête au carré avec mes invités que je salue, le microbiologiste Xavier Nassif et Patricia Lefébure, médecin généraliste et porte-parole de la Fédération des médecins de France. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue. Patricia Lefébure, l'antibiorésistance est un phénomène qui est pris très au sérieux par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Est-ce que la situation est si grave que cela? En médecine de ville, puisque c'est de cela dont je peux vous parler, la situation n'est pas grave. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais été confrontée au cas d'un patient où vraiment je ne savais pas quoi faire au niveau antibiotique. Mmh. Après, on s'aperçoit quand même que les résistances émergent quand même petit à petit. Lorsqu'on recherche sur les infections urinaires, par exemple, il y a quand même effectivement des germes qui deviennent résistants. Mais pour l'instant, on a un panel d'antibiotiques suffisant pour traiter les patients en ville. Hein. J'entends en ville, oui. C'est pas du tout pareil qu'à l'hôpital. Hein. Xavier Nassif, justement, vous êtes le parrain de ce dossier de la Fondation pour la Recherche Médicale. Et vous avez finalement eu un discours plutôt rassurant sur cette question qui est souvent traité de façon beaucoup plus dramatique, finalement. C'est-à-dire que dans notre pays, je veux dire, il est certain que la résistance aux antibiotiques doit être quelque chose qui doit être surveillé. Mais dans notre pays où on a mis en place des mesures d'hygiène à l'hôpital qui évitent la dissémination de ces bactéries multirésistantes, mmh. et d'autre part mise en place une surveillance étroite de la prescription des antibiotiques, le problème est encore contrôlé. Mais il y aurait vraiment une exception française alors par rapport au reste non, du je monde pense que c'est pas une exception croire, hein. Non, c'est pas une exception française. Je pense que dans tous les pays développés où on utilise les antibiotiques à l'hôpital mm-hmm. et où on met en place des mesures d'hygiène adaptées, on limite la diffusion des bactéries résistantes et donc des infections à germes multirésistants. Ouais, est-ce que justement à l'hôpital de l'Institut Necker Enfants Malades, vous êtes souvent confronté à ces bactéries ultra résistantes ou pas? Alors, il y en a. Écoutez, pour tout vous avouer, j'ai regardé combien on en avait isolé. Oui. Pendant l'année 2018, de bactéries hautement résistantes, on en a isolé 51. Oui. D'accord. Donc sur un hôpital d'environ 500 lits, ce qui n'est pas énorme, mm-hmm. et on en a eu deux cas d'infection à bactéries multirésistantes sur l'hôpital Necker. Je vous parle de ce que je connais. Voilà. Oui. Patricia Lefébure, l'abus de prescription d'antibiotiques, ça par contre, on peut en discuter quand même parce que c'est une réalité toujours. Hein. Ça l'a été, ça c'est clair. Hein. Je vous parle. D'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, heureusement, parce que c'est ouais. exactement, c'est à peu près depuis une vingtaine d'années qu'on est très sensibilisés. Avant, c'était l'époque où, vous aviez un rhume, on vous donnait un antibiotique, vous aviez ouais. mal au ventre, on vous opérait de l'appendicite, vous aviez trois angines, paf, vous n'avez plus d'amygdale. Ouais. C'était radical, la, ouais. voilà, exactement. La médecine toute puissante, on a une réponse à tout. Bon, depuis une vingtaine d'années, effectivement, on est très sensibilisé quand même à ce problème. Et les médecins ne prescrivent plus comme ça, à tort à travers des antibiotiques parce que c'est plus facile. Il faut bien reconnaître que ça raccourcit la consultation. Et les patients sont aussi beaucoup moins demandeurs parce qu'ils ont compris. Parce qu'avant, c'était aussi présenté comme le traitement miracle, que ce soit par l'industrie pharmaceutique, par les médecins. Et donc, les patients avaient vraiment l'impression que sans antibiotiques, on guérissait jamais. Et on est mieux informé aujourd'hui aussi sur ces questions. Tout à fait. Donc ils sont beaucoup moins demandeurs, donc c'est plus facile. Allez, on va se retrouver dans un instant pour en discuter. Toutes les questions, bien sûr, de nos auditeurs. On ira aussi au cœur de la cellule pour voir comment justement agissent les bactéries face à des antibiotiques. Ça nous intéresse, ça aussi, d'en savoir un petit peu plus. Et puis ce dossier est donc organisé en partenariat avec la Fondation pour la Recherche Médicale, franceinter.fr, le site de la Tête au Carré pour nous rejoindre. Voici que nous découvrons une population inconnue, 300 Espagnols, soumettent un empire fort de 20 millions d'habitants. Aucun exploit dans aucun temps n'a pu se comparer à cette conquête. Même la maladie était de notre côté. Les idolâtres mouraient comme des punaises. Voilà un extrait de ce film La Controverse de Valladolid avec la voix de Jean-Louis Trintignant qui évoque la colonisation du Nouveau Monde et la domination des Amérindiens par les Espagnols. Et aujourd'hui, justement, à la une de la science, Héloïse, une étude qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. On a failli d'ailleurs en parler la semaine dernière. On a voulu en parler la semaine dernière. On a eu un problème technique, mais ça y est, nous y revenons. Nous y sommes. Oui, donc cette étude a été beaucoup reprise par la presse, certainement parce que ses conclusions sont intrigantes. Parce que selon ses auteurs qui publient donc dans la revue Quaternary Science Reviews, la baisse démographique drastique sur le continent sud-américain suite à l'arrivée des colons en 1492 serait la principale explication à la petite ère glaciaire, cette période climatique bien connue des scientifiques et des historiens. Mais tous les scientifiques n'adhèrent pas à cette thèse. C'est le cas d'Emmanuel Garnier qui est en duplex avec nous depuis Perpignan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du climat, directeur de recherche CNRS. Alors d'abord, un petit rappel pour nous. Qu'est-ce que c'est que cette petite ère glaciaire et quand est-ce qu'elle a eu lieu ? Alors, nous, historiens, parlons davantage de petit âge glaciaire, sachant donc que le petit âge glaciaire couvre une période comprise entre les années 1320 et le milieu du 19e siècle. Ah oui, donc ça a duré très longtemps quand même. Absolument, oui, c'est un phénomène climatique majeur qui a eu un très très fort impact sur les sociétés à l'échelle mondiale. Et il a fait beaucoup plus froid concrètement, combien de degrés on a perdu à cette période ? On considère que l'on a perdu entre un demi-degré et un degré, ce qui représente donc des conséquences, notamment en termes de culture, donc de moisson, d'alimentation très très importante, oui. Alors pourquoi et négative, Oui. Pourquoi est-ce que les auteurs de cette étude imputent ce petit coup de froid à la mort des Amérindiens ? C'est une excellente question, je ne les connais pas. Personnellement, ce sont deux collègues britanniques des universités de Leeds et du University College de Londres. A priori, je pense qu'ils s'inscrivent dans un contexte scientifique particulier, très porté sur l'Amérique du Sud, puisqu'ils utilisent donc ces données et considèrent qu'à elles seules, elles peuvent effectivement démontrer que le petit âge glaciaire serait la conséquence de l'arrivée des Espagnols et du déclin des populations amérindiennes. Sur quelles données ils se sont basés pour arriver à cette conclusion ? C'est un peu tout le problème sur peu de données. Ils le disent eux-mêmes dans l'article, ils disposent de rares informations purement historiques, sachant que l'administration espagnole puis portugaise, si on raisonne à l'échelle de l'Amérique du Sud, ne commence à établir des recensements, des rapports, des enquêtes qu'après les années 1550 et plus sûrement encore à partir du début du XVIIe siècle, on a peu d'éléments purement historiques. En revanche, ils utilisent massivement, je cite leur article, l'archéologie. Donc l'archéologie a découvert depuis quelques décennies un certain nombre de sites. Ils observent certains phénomènes, notamment un déclin des populations et par conséquent un déclin des espaces ruraux. Et à partir de là, ils extrapolent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils établissent des moyennes. L'effectif total de la population sud-américaine, sachant qu'on a des écarts d'un spécialiste très important. Puis ils appliquent des modèles mathématiques, sans doute empruntés aux agronomes. Ils en déduisent qu'à cette époque, les surfaces agricoles, en raison du déclin démographique, ont contribué en se fermant sur le plan paysager, avec un phénomène d'enfrichement, à réduire considérablement la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère. Ce serait la reprise de pouvoir du végétal, là où l'homme s'est éclipsé, en fait. Oui, alors ce sont des phénomènes historiques très très fréquents qui sont généralement imputables aux conflits et aux épidémies, ce qui est le cas pour les Amérindiens. Alors est-ce que vous êtes historien du climat, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision mathématique? Vous la trouvez un peu limitée, c'est ça que vous nous dites? Mais vous savez, nous les historiens, nous sommes les héritiers d'un grand grand historien qui s'appelait Marc Bloch et qui disait « Attention, l'historien c'est un ogre, et cet ogre est toujours en quête de chair humaine ». Et je pense que là, les collègues qui sont des modélisateurs, hein, géographes, mais modélisateurs du climat, ont accordé le primat aux chiffres plutôt qu'à la chair humaine dont parlait Marc Bloch. Plus simplement, leur péché véniel consistera à ne pas avoir contextualisé, hein, puisque si on l'y suit bien, le petit âge glaciaire courant 16e, 17e siècle serait imputable au déclin des populations amérindiennes. Mais il faut savoir que l'Europe, en 1492, au moment où les Espagnols et plus tard les Portugais débarquent en Amérique du Sud, est dans une situation très similaire, c'est-à-dire qu'elle a perdu entre 50 et 90% de sa population en raison de la guerre de 100 ans et de la fameuse peste noire. C'est-à-dire que les conquistadors qui débarquent, qui mettent le pied sur le rivage américain, sont en fait des survivants eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des cas précédents dans l'histoire, Emmanuel Garnier, qui pourraient justement témoigner d'un phénomène identique, c'est-à-dire une baisse de population avec un impact direct sur le refroidissement global? Je vous avoue, travailler avec des climatologues depuis une décennie, nous n'avons jamais tenté l'expérience parce que quand même, il y a énormément de facteurs aléatoires hein, dans le mode de calcul. Leur démonstration est irréprochable. Hein. Donc, ils calculent, ils estiment la réduction des surfaces agricoles. Ils appliquent donc des modèles de capture du gaz carbonique par les terres enfrichées. Ils en déduisent donc que la teneur diminue. C'est imparable. C'est un peu plus compliqué sur le plan historique parce que, comme je vous l'ai dit, l'Europe connaît une situation similaire. Pourquoi ne pas reproduire leur démarche à l'échelle d'Europe et conclure que le déclin des populations européennes a lui aussi contribué au petit âge glaciaire? Avec plusieurs bémols hein, de taille. Le premier, c'est que le petit âge glaciaire débute, comme je vous l'ai dit, au début du XIVe siècle. Les Vikings abandonnent le Groenland autour des années 1350. Et deuxième bémol de taille, il semble faire totalement abstraction de l'activité fluctuante du soleil qui joue un rôle absolument majeur dans le petit âge glaciaire. Oui, justement, quels sont d'après vous les facteurs plus importants pour expliquer ce changement climatique, si on sait l'expliquer ? Je pense qu'il y a quand même un relatif consensus tant au niveau de la communauté des climatologues que des historiens du climat, et je citerai mon maître Emmanuel Leroy-Ladurie, à savoir que la période qui est comprise entre le 14e, 15e siècle et le milieu du 18e siècle sont marqués par une moindre activité solaire, alors qui était observée. Hein, si vous consultez les archives de l'Observatoire de Paris, vous avez les Cassini qui observent, donc jour après jour, une diminution du nombre de ces taches solaires qui ont forcément un impact sur les températures à la surface de la Terre. Merci beaucoup en tout cas Emmanuel Garnier. Merci. Pour votre éclairage sur cette publication qui a fait pas mal de bruit, il est vrai, et vous étiez en duplex depuis les studios de Radio France à Perpignan. Merci beaucoup à vous Héloïse, on se dit à demain. À demain Mathieu. Et en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, des chercheurs de la Texas University ont été capables de stimuler la croissance d'orteils amputés chez la souris. Leurs résultats sont publiés dans la revue Nature Communication et sous l'effet de deux protéines, plus de 60% des os du moignon ont formé une couche de cartilage en l'espace de 3 jours seulement. Bien que la méthode ne permette pas de régénérer un orteil complet, elle montre quand même que les cellules d'une plaie d'amputation gardent des informations nécessaires à la reconstruction des tissus, ce qui ouvre des perspectives même lointaine de thérapie pour l'homme. Les kangourous auraient commencé à sauter bien plus tôt que ce que l'on pensait. Des scientifiques de l'université d'Uppsala en Suède ont étudié des os de pattes fossilisées de cousins éloignés de kangourous aujourd'hui disparus. Ces fossiles ont été retrouvés dans le Queensland, au nord-est de l'Australie, et leurs travaux suggèrent que ces animaux ont acquis leur capacité à sauter il y a 20 millions d'années. Le kangourou est le seul grand mammifère qui se déplace en sautant sur ses deux pattes, ce qui en fait un objet de fascination pour les chercheurs. Et puis comment empêcher les moustiques de nous piquer? Eh bien peut-être en leur coupant l'appétit. Des chercheurs ont nourri des moustiques avec une solution contenant un médicament coupe-faim destiné aux humains. Et cela a fonctionné. Pendant 2 jours, les insectes ont eu nettement moins envie d'approcher un leurre à parfum humain. Les résultats de l'étude ont été publiés dans la revue Cell. Le médicament utilisé cible le récepteur d'un peptide particulier, le neuropeptide Y, impliqué dans la recherche de nourriture. L'équipe a ensuite utilisé l'édition de gènes CRISPR pour créer des moustiques portant une mutation qui empêchait au récepteur de fonctionner normalement. Allez, on parle de la résistance aux antibiotiques dans un instant, c'est le dossier de la tête au carré. Ice water turn Atlantic, night calling in a phantom. Told them hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bitches undercover, I'm a ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free, and we out in these streets. Can you do it, can you pop it for me? Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Blow the brains out the coupe. Pulley one on top, but I'm on mute. I'ma bust her wrist down cause she cute. Fuck her on the yacht, I've been a pool. She an addict, addict for the lifestyle in the paddock. Daddy, how you ever felt Chanel fabric? I be dripping to death, I need a casket. And we got more strikes than the rough, he foul tech em. In the middle of the field, like David Beckham. All my niggas locked up for real, I'm tryna help em. When I got a meal, got me the chills, don't know what happened. Pop pill, do what you feel, I'm on that zombie. I'm more like a Gaddafi, I'm not no Gandhi. I'm more like I'm David Goliath running. Niggas be cloning, I find it funny. We from the north, straight out the dungeon. From the north, hey. I go in the mouth, she costing me nothing. 300 the watch is out of your budget. Mean mugging got me clutching. Yeah, and it's stick right out of Russia. Ice water turn Atlantic. Night calling in a phantom. Told them hold it, don't you panic. Took an island, fled the mansion. Drop the roof, more expansion. Drive a coupe, you can stand it. Bridges undercover. I'm an ass and titty lover. Guess we all meant for each other. Now that all the dogs free, and we out in these streets. Can you do it? Can you pop it for me? Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit. It's that Z shit. Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. In a Hellcat, cause I'm a Hellraiser. Self-made, I don't owe a nigga no favor. When you get that money, nigga, keep your heart. I'm sliding in a coupe, ain't got no key to start. I got to follow me in BET Awards. When your well run dry, you know you need me for it. When I pull up in a Buick, you know what I'm doing. If the police get behind me, fleeing any lure. Sleeping on the pallet, turn me to a savage. I'm a Project Baby 9, staying Calabash. Like I'm still surfing, like I'm still jacking. I be sipping on lean, trying to keep balance. Hit that Z-Walk, dick it with my Reebok. I don't say much, I just let the heat talk. Your jewelry water whoop, diamonds like re-rock. My little baby rock that dick like C-Lock. When I stepped up on the scene, I was on a beam. When I talked about the beam, I was in saline. Baby girl, you just a fleen, that ain't what I mean. Money busting out my jeans like I do skiing. Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. Pull up in a demon on guard, looking like I still do fraud. Flying private jet with the rod. It's that Z shit, it's that Z shit. À l'instant, Kodak Black sur France Inter. La tête au carré sur France Inter. À Stockholm, la remise des prix Nobel a revêtu en raison de la paix une solennité telle qu'elle n'en avait eu depuis 1901, date de sa création. Le roi Gustave V y a remis au savant anglais Alexandre Flemings et à ses assistants les quelques millions de francs légués par Nobel et qui les récompense de leur découverte de la pénicilline. Il est juste que cet argent serve maintenant la cause de l'humanité. Voilà, 1945, l'année du Nobel pour Alexander Fleming, le découvreur donc de la pénicilline, pour parler cet après-midi de la résistance aux antibiotiques avec mes invités. Xavier Nassif, microbiologiste à l'Institut Necker Enfants Malades, et Patricia Lefebure, médecin généraliste à Mantes-la-Jolie. Vous êtes porte-parole de la Fédération des médecins de France, une émission cet après-midi en partenariat avec la Fondation pour la recherche médicale qui consacre justement un dossier à ce sujet dans le dernier numéro de sa revue Recherche et Santé, dont vous êtes justement le parrain, Xavier Nassif. Patricia Lefebure, est-ce que vous saviez que Alexander Fleming avait également déclaré dès 1945, donc année de son Nobel dans le New York Times, que justement ceux qui abuseront de la pénicilline seront moralement responsables de la mort des patients qui succomberont aux germes résistants. J'espère, disait-il, que ce fléau pourra être évité. 1945. Alors j'ignorais, pour répondre à votre question. Après, est-ce qu'il était simplement visionnaire ou est-ce que déjà peut-être on commençait à voir apparaître des résistances, hein, parce que la pénicilline a énormément été utilisée pendant la guerre, et peut-être qu'il se peut qu'on ait déjà des résistances. Xavier Nassif. Moi, je pense qu'il était visionnaire, mais surtout qu'il connaissait bien les bactéries. C'est-à-dire, une bactérie, faut pas oublier que ça se multiplie toutes les 20 minutes. Ça va très vite. Hein. C'est-à-dire qu'en une nuit, une bactérie fait le même chemin évolutif que nous faisons dans un millénaire. C'est ça. Donc, je veux dire, la bactérie. Il suffit de l'observer. Ouais. Et il suffit de savoir qu'il va falloir qu'elle s'en sorte. Et son seul moyen de s'en sortir, ça va être, de se transformer, de muter, d'acquérir de nouveaux gènes qui vont lui donner la résistance. Ouais. Donc, il a pu observer ce phénomène de résistance boîtes de pétri, à votre avis? Je pense que si vous prenez beaucoup de la pénicilline, que vous mettez beaucoup de bactéries, vous verrez des bactéries résistantes émerger. Ça, c'est, il suffit d'en mettre suffisamment de bactéries. En général, on dit que l'émergence, ça survient ça dépend des antibiotiques, tous les 10 millions, 100 millions, voire le milliard de bactéries. Voilà. Ouais. Donc, c'était presque un message envoyé aux médecins aussi, Patricia Lefebure, finalement, ce que disait Fleming, ceux qui prescrivent, finalement, ces antibiotiques. Tout à fait, mais à l'époque, ça se prescrivait pas. C'était surtout réservé à l'hôpital. Je sais même pas si ça se prescrivait en ville, d'ailleurs, parce que c'était en injectable, hein, et les piqûres de pénicilline. Les gens s'en souviennent. C'était quand même un antibiotique qui était réservé à une certaine élite. Ouais. Il existait déjà d'autres antibiotiques, hein, quand même. On parle toujours les sulfamides existaient déjà préalablement à la pénicilline. Hein. Comment ça s'est développé, d'ailleurs, Xavier Nassif? On fait un petit historique de l'histoire des antibiotiques, ces années-là. La pénicilline a été découverte, c'est produit par un champignon, qui est un dérivé de pénicillium, et donc c'est un produit naturel, la pénicilline, et beaucoup de nos antibiotiques actuels sont toujours des produits naturels, ou surtout ce qu'on appelle des produits dérivés de produits naturels, c'est-à-dire on prend les molécules, et puis on les change pour les améliorer, pour augmenter leur spectre, pour faire en sorte que la bactérie redevienne sensible, pour lui permettre à l'antibiotique d'aller dans certains endroits du corps, par exemple, d'être éliminé par les urines, par la bile, d'aller dans le cerveau. Donc on joue chimiquement avec les molécules pour les améliorer dans tous les sens du terme, tel qu'on a envie de les améliorer. Ouais. Donc il y a ces produits naturels et puis ces produits synthétisés semi-synthétiques à partir des produits naturels. Puisque maintenant on arrive à recréer finalement... On peut resynthétiser complètement, mais je veux dire initialement, ils ont été trouvés parce qu'ils existaient dans la nature. Ouais. Alors justement, dans ce dossier de la Fondation pour la Recherche Médicale, on peut lire ceci dès les premières pages. Selon l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, nous pourrions bientôt basculer dans une ère post-antibiotique. Alors évidemment, il faut savoir de quoi on parle pour aussi rassurer nos auditeurs, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, votre discours est assez mesuré quand même tous les deux, Xavier Nassif et Patricia Lefebure. Ce serait quoi une ère post-antibiotique, Patricia Lefebure, selon vous? Justement, je ne sais pas ce qu'il entend par là. Soit on n'a plus besoin des antibiotiques parce qu'il n'y a plus de bactéries sur Terre grâce aux vaccinations, aux règles d'hygiène. Ce qui est tout à fait impensable, j'imagine. Non, ils veulent plutôt entendre soit veut dire au contraire, il n'y a plus aucun antibiotique ne fonctionne et qu'on se retrouve comme au début du XXe siècle, complètement démunis. J'imagine que c'est ça qu'il veut dire. C'est ça, absolument. Moi, je suis naturellement optimiste. Je dis toujours effectivement aux patients aussi que effectivement, il y a 100 ans, il n'y avait pas trop d'antibiotiques, mais que les gens mouraient pas tous non plus. Enfin, je veux dire, l'humanité est toujours là, quoi, avant l'arrivée des antibiotiques, quand même. On a quand même les moyens de faire de la recherche. Le souci, c'est aussi, je pense que actuellement, pour l'industrie pharmaceutique, c'est pas intéressant de faire une recherche sur les antibiotiques, parce que les antibiotiques, on les prend pendant une semaine, ils sont tellement efficaces qu'on est guéri. Contrairement aux autres molécules pour le cœur, pour le cholestérol, pour le diabète, où on prend ça toute sa vie. Hein. Voilà, donc financièrement, c'est pas très intéressant pour l'industrie pharmaceutique. À partir du moment où si un jour on se retrouve complètement dans l'impasse, on peut faire les recherches s'intensifient, on y met le prix et on retrouve quelque chose. Hein. On a trouvé le jour où le HIV est arrivé, on a bien trouvé assez rapidement finalement un traitement contre le HIV. Bill Gates, quand il a fait sa fondation pour le paludisme, on a trouvé des médicaments très rapidement pour le paludisme. Donc voilà, je suis naturellement optimiste. Ouais. Si un jour on se retrouvait vraiment bloqué. Oui, après pour le VIH comme pour le paludisme. Oui, parce qu'il faut mettre le prix. Ouais. Ça, c'est une autre histoire, mais je pense que c'est pas le débat ici. C'est pas moi généraliste qui peut influer sur le monde. Mais si tout le monde avait les moyens de payer les médicaments anti-VIH et anti-paludisme, c'est des maladies qui pourraient quasiment être éradiquées. Xavier Nassif, alors sur cette ère post-antibiotique, vous réagissez comment vous devant l'ère post-antibiotique, c'est pas pour demain ni même pour après-demain. Je veux dire. Tant qu'on utilise, alors il est certain que nous avons un capital, c'est-à-dire que les bactéries, il y a un capital. Plus on utilise les antibiotiques, plus les bactéries vont devenir résistantes. Ouais. D'accord, ça c'est inéluctable. Mais on peut éviter la dissémination des bactéries résistantes, c'est-à-dire qu'un malade qui en aurait une, chez un malade chez qui une bactérie résistante se serait développée, ne diffuse pas chez le malade d'à côté. C'est la première chose. Et la deuxième chose, on peut utiliser les antibiotiques à bon escient pour essayer de diminuer l'émergence de la résistance aux antibiotiques. Ouais. Et c'est en fait ce qu'on fait, je veux dire, depuis maintenant plusieurs années, et c'est pas si mal fait que ça. Au moins dans la communauté médicale que je connais, qui est la communauté médicale française, dans les hôpitaux français, c'est plutôt bien fait. Bien sûr, il y a un problème. Bien sûr, faut faire attention. Bien sûr, faut continuer à trouver de nouveaux antibiotiques. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux dire, les patients qui pourraient avoir un énorme problème dû à une impasse thérapeutique totale, on va les compter sur les doigts d'une main. Ouais, juste un mot sur ce capital bactérien dont vous parliez tout à l'heure. Si justement on utilise beaucoup moins d'antibiotiques en tant qu'individu, est-ce qu'on regonfle pas d'une certaine manière ce capital, ou est-ce que vraiment le processus est inéluctable? Il y a même une espèce bactérienne qui est très connue, qui est le staphylocoque doré. Mm-hmm. Pour vous donner un exemple, j'ai regardé les chiffres à la fin des années de la première décennie des années 2000, 2008-2009, vous aviez une vingtaine de pourcents de cette bactérie qui est quand même un vrai problème, d'accord, qui était résistant à la méticilline, qui est un des principaux antibiotiques pour traiter les infections, et grâce à des mesures d'hygiène, une mesure d'hygiène simple qui, vous savez, qui est l'utilisation des solutions hydroalcooliques à l'hôpital pour éviter la dissémination de malade à malade. Ça a tout changé. Hein. Ah oui, on a vu d'une part une baisse du nombre d'infections à staphylocoque doré, et deuxièmement une baisse du nombre des staphylocoques dorés résistants à la méticilline, puisque maintenant ils sont plus que d'une dizaine de pourcents. C'est donc une véritable succès. On arrive à contrôler les choses. Patricia Lefebvre. Oui, voilà. Exactement. Là, jusqu'à présent, on parlait que de l'antibiotique en tant que tel, mais on a d'autres moyens de traiter, en tout cas de juguler les infections. Donc en ville, par exemple, depuis qu'il y a le vaccin contre les deux microbes particuliers qu'on appelle le pneumocoque et l'hémophilus, qu'on pratique chez les enfants, on a beaucoup, beaucoup moins d'otites, par exemple, bactériennes qu'on doit traiter par antibiotiques. Je me souviens, il y a 25 ans, on voyait des fois des enfants en crèche. Tous les mois, au moins, ils avaient une otite et il fallait finalement mettre des antibiotiques systématiquement, parce que si on mettait pas, de toute façon, ça ne s'arrangeait pas. Je n'en vois plus du tout, parce qu'ils sont vaccinés. Donc la vaccination contribue aussi à réduire le taux d'antibiotiques. Et puis les règles d'hygiène, on le voit aussi en ville, pour d'autres pathologies qui nécessitent pas des antibiotiques. Ouais. Mais je vois que autrefois, on voyait, lorsqu'il y avait un cas de gastro-entérite dans une famille, systématiquement, tout le monde l'attrapait. Parce qu'on savait pas qu'il aujourd'hui se laver les mains. Voilà. Bah, exactement. Ouais. Parce que à force de régler les solutions hydroalcooliques et le lavage de mains, il y a beaucoup moins de gens malades. Voilà. Allez, la résistance face aux antibiotiques, c'est le dossier de La Tête au Carré. Nuit sans sommeil. C'était Cléa Vincent à l'instant. La tête au carré. 30% des médicaments consommés par les Français sont des antibiotiques. Leur prix élevé ne les empêche pas d'arriver en troisième position dans la liste des médicaments les plus vendus. Remède miracle pendant des années, ils sont aujourd'hui remis en question. Certains microbes détruits par les antibiotiques se sont non seulement adaptés à eux, mais arrivent maintenant à se défendre. Plus on utilise les antibiotiques, plus ils tendent à perdre leur efficacité. En effet, la capacité des bactéries de réagir contre ces poisons que nous leur opposons est quelquefois surprenante. Certaines d'entre elles sont capables de fabriquer des contrepoisons, nous disons des enzymes, qui inactivent l'antibiotique. D'autres bactéries, au contraire, sont capables de croître en présence de l'antibiotique non modifié. Elles s'y sont accoutumées, elles tolèrent la drogue. Certaines bactéries sont tellement accoutumées à l'antibiotique et qu'elles en ont besoin. Elles en sont dépendantes, elles ne peuvent se multiplier qu'en présence de l'antibiotique. Vous voyez que, dans le monde bactérien, il est aussi des toxicomanes. Voilà, les toxicomanes du monde bactérien, dans la voix du docteur Jean Duval, professeur de bactériologie à l'hôpital Mondor. Et ça, c'était en 1975, parce que cette décennie est tout à fait importante dans l'histoire aussi de la résistance aux antibiotiques, Xavier Nassif. Oui, à la fin des années, je pense qu'à la fin des années 70, on est passé par une période de où les bactéries étaient résistantes à beaucoup d'antibiotiques, oui. Et sans doute bien plus sévères que ce que c'était maintenant. Parce qu'on en avait beaucoup abusé parce aussi. Parce qu'on en avait beaucoup abusé, qu'on les avait mal manipulés, qu'il n'y avait pas ces mesures d'hygiène. Ouais. Donc dans les années 80, il y a eu toute une vague de nouveaux antibiotiques qui sont sortis, qu'on utilise toujours. Et en même temps, petit à petit, il y a eu une éducation qui s'est faite parmi les médecins pour, un, mieux utiliser les antibiotiques. Et deux, avoir des mesures d'hygiène. C'est là qu'on a vu survenir dans tous les hôpitaux les comités de lutte contre les infections nosocomiales, ouais. Toutes les équipes opérationnelles d'hygiène qui sont maintenant très opérationnelles et qui se sont bien implantées au cours des années 80 et je dirais même 90. Ce qui fait que maintenant, alors que ça fait maintenant 30 ou 40 ans qu'on utilise ces mêmes antibiotiques, on est loin d'avoir atteint le degré de problème qu'on avait à la fin des années 70. Ouais. Patricia Lefebvre, ça veut dire qu'à partir de cette période-là, dans les années 70, il a fallu remplacer toute une génération de molécules qui n'étaient plus suffisamment efficaces. Oui, tout à fait, clairement. Alors, je n'exerçais pas encore, moi. Je commençais mes études de médecine. Quand j'ai commencé à exercer, oui, on avait en fait soit des associations de médicaments, c'est de la pénicilline. Il était associé avec un inhibiteur de ces fameuses enzymes dont il parlait, et puis des nouvelles classes effectivement d'antibiotiques, oui, tout à fait. Ouais. Mais ça fait une dizaine d'années que je n'en ai pas vu sur le marché de la ville, en tout cas, par contre, de nouvelles antibiotiques. Alors, ce qu'on peut quand même préciser tout de suite dans cette discussion, Xavier Nassif, c'est que les antibiotiques ne sont efficaces que sur les bactéries. Hein. On est d'accord. Pas sur les virus ou les champignons, par exemple. Non. C'est-à-dire que ça ne marche que sur les qui se divisent en partie, et ce sont donc les bactéries. Vous pouvez donner des antibiotiques sur une infection virale, ça ne marchera jamais. Oui. D'accord, ça c'est. Et ça fait partie des incompréhensions parfois des patients aussi, qui ne comprennent pas pourquoi on ne leur propose pas forcément des antibiotiques pour traiter un peu tout et n'importe quoi. J'entends des fois des gens qui ont l'air pourtant bien informés, mais qui me disent « Cette fois-ci, docteur, vous savez, j'ai quelque chose de très important demain, alors il faut me donner un antibiotique parce que là, je n'ai pas le temps d'attendre pour être guéri. » Comme si, en fait, on reculait la mise sous antibiotiques en se disant, ben peut-être qu'il va guérir tout seul. C'est pas ça le fondamental. C'est que si on sait que vous avez un virus, ça ne sert à rien. Voilà. C'est comme si vous me demandez de vous prescrire un antibiotique parce que vous avez une entorse de cheville, quoi. Ça a vraiment aucun intérêt. Après, bon, le souci, c'est qu'effectivement, il y a certaines infections virales qui se surinfectent, comme on dit, certaines bactéries qui profitent de la situation pour compliquer un peu les choses et que tout notre art à nous, médecins, justement, et qui est difficile à remplacer par une intelligence artificielle, c'est de, en fonction du contexte, de se dire, ah bah lui, il va probablement faire une surinfection, mais sur un virus, ça ne sert à rien. Très bien. Message reçu. Philippe nous écrit sur franceinter.fr, il nous dit ceci, ayant de nombreux élevages bovins hyper intensifs, les pays du Nord sont en pointe sur la génération des bactéries hyper résistantes, mais ils le sont également en termes de lutte. Où en est justement l'état de la lutte? Qui veut répondre à cette question? De la lutte contre les bactéries hyper résistantes? Oui, sûrement, oui. Bah, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire la lutte contre les bactéries hyper résistantes. Dans ces pays-là, en tout cas. Dans ces pays-là, je ne sais. Les pays du Nord, d'une façon générale, sont des pays relativement propres, avec des gens et des médecins qui sont parfaitement bien disciplinés. Et je pense qu'ils utilisent les mêmes techniques que nous, c'est-à-dire bon maniement des antibiotiques, et mesures évitant la dissémination des bactéries multirésistantes. Ouais, Patricia Lefébure, dans les élevages, j'ai pas d'expérience personnelle évidemment. Je sais qu'à un moment on disait les antibiotiques étaient utilisés même pour que les animaux grossissent plus vite. C'est même pas pour éviter les infections. C'est ça qui était faux. C'était utilisé, voilà, tous les jours, ils étaient nourris aux antibiotiques, voilà. Et effectivement, j'ai vu des patients, ça c'était fréquent, qui avaient jamais eu d'antibiotiques ou pas depuis très très très très longtemps, et qui se retrouvaient avec des bactéries vraiment multirésistantes. Donc, certains disaient que c'est parce qu'ils avaient mangé. J'ai eu l'occasion de converser il y a quelques mois avec un confrère vétérinaire, mais bactériologiste vétérinaire, voilà, et qui nous expliquait que dans une radio concurrente c'était interdit depuis maintenant, oui, voilà, 5 ou 10 ans. Enfin, j'entends en dehors d'une infection, s'il y a une infection, ok, mais pas pour croître un peu plus vite, faire croître les animaux. Donc voilà, je vous dis simplement ce que j'ai entendu. Xavier Nassif. Ce qu'on peut dire, c'est que pour une raison qu'on ne connaît pas, c'est vrai que donner des antibiotiques aux animaux, aux poulets notamment, permettait de leur faire augmenter leur masse musculaire. Voilà, des super poulets, la masse musculaire, ou même aux bovins. Christine. Mais je suis persuadé que c'est encore utilisé dans certaines régions du monde. Ouais. Alors, je pensais que la réglementation européenne, mais je ne suis pas sûr, avait supprimé ça. On aura peut-être des messages sur ce sujet sur franceinter.fr. Christine nous dit, on parle depuis longtemps de la résistance aux antibiotiques. J'ai lu quelques articles qui parlent du même phénomène pour la vaccination, où les souches évolueraient et deviendraient de plus en plus résistantes. Qu'en pensez-vous ? C'est pas une résistance de ces souches-là. Je pense que la personne qui nous parle de ça pense au pneumocoque, par exemple, où on a un vaccin pneumocoxique si je me souviens bien, environ 70 pneumocoques différents. Et vous avez le vaccin actuel qui est utilisé, il doit en avoir une douzaine. On est passé à 23. Il y a 23 valences pour un vaccin, et il y en a, et donc ça veut dire que on ne fera pas d'infection avec ces 23 pneumocoques là, mais on peut faire une infection avec les autres pneumocoques. Ouais, mais est-ce qu'à force d'être vacciné, on pourrait devenir résistant aussi ou pas? Écoutez, on est vacciné contre le tétanos depuis quand même longtemps, on n'a pas vu de résistance, non. Mais par contre, c'est ce que dit mon confrère, c'est que il y a quelques années, le fameux vaccin contre le pneumocoque comportait ce qu'on appelle 13 valences, c'est-à-dire 13 pneumocoques différents, voilà. Et qu'effectivement, on a vu arriver des infections à pneumocoques qui n'étaient pas ces 13 là, mais qui étaient d'autres. Maintenant, un vaccin à 23. Bon, peut-être qu'on verra d'autres infections, on s'adaptera. Mais c'est pas des résistances, hein. C'est que comme on n'est plus malade avec ceux du vaccin, eh bien, on est malade avec d'autres bactéries. Comme s'il faut quand même qu'on soit malade quelque part, de toute façon. Et voilà. Alors justement, au sujet de la résistance aux antibiotiques et dans le cas particulier de malades, on va écouter un extrait de ce reportage d'Enquête de Santé tourné en 2016 sur l'isolement de certains malades à l'hôpital, évidemment pour protéger les autres. Un couloir désert et une rangée de portes closes. Dans ce service d'infectiologie, les patients vivent cloîtrés dans leur chambre. Ces malades mis en quarantaine sont porteurs de bactéries très résistantes aux antibiotiques. Bonjour madame. Bonjour. Il faut continuer les antibiotiques, hein. Vous en avez au moins pour 3 semaines quand même. Cette patiente, elle déverge 2 bactéries, l'une qui est dans les urines et qui s'est localisée dans son rein. Et par ailleurs, elle a un entérocoque résistant à la vancomycine. C'est à cause de cette bactérie résistante à la vancomycine, l'un des antibiotiques les plus puissants, que cette patiente a été mise en isolement. Ce microbe colonise son tube digestif, mais ne la rend pas malade. Des patients porteurs de bactéries hautement résistantes, le professeur Witkok en voit de plus en plus. Et dans la chambre au fond du couloir, la situation est particulièrement critique. Je ne suis pas certain de l'avenir. Il vous reste combien d'antibiotiques pour le soigner ? Pour lui, un seul. Et qui est toxique pour son rat, qui est déjà bien malade. Donc c'est vrai qu'il y a des situations d'impasse qui existent. C'est une réalité, il faut l'avoir en face. Hein, qui l'aurait cru ? Voilà, tournée donc à l'hôpital Kremlin du Kremlin-Bicêtre. Xavier Nassif, un commentaire justement sur ces cas justement d'impasse dont parlait ce médecin à l'instant là. C'était là, je pense, qu'il parlait d'une infection d'entérocoque résistante à la vancomycine, qui est effectivement considérée comme une bactérie hautement résistante. Oui. Et là, l'isolement est nécessaire. L'isolement est absolument nécessaire parce qu'elle se dissémine. Elle se dissémine à partir des selles et très rapidement. Pour des raisons épidémiologiques, ça avance à la vitesse. Donc, on met en place des barrières, effectivement. Et pour le malade, c'est extrêmement désagréable d'être obligé d'être de rester à l'isolement en attendant que. Mais c'est le prix à payer. Ouais. Alors, ayant dit ceci, il y a beaucoup de patients qui peuvent porter de l'entérocoque résistant à la vancomycine et très peu vont faire d'infection. Donc, dans ce cas-là, ça devait être un cas particulier. Et donc, on continue à donner des antibiotiques, hein, Patricia Lefebure, dans ce cas précis. Ah bah là, on est dans des cas très spécifiques sur lesquels, enfin, qu'on ne voit pas en ville. Là, ce sont des patients hospitalisés avec apparemment une insuffisance rénale. Enfin bon, c'est pas nous ce dont on a traité. Nous, c'est effectivement, on voit des alors les entérocoques sont les germes qu'on trouve dans les intestins. Entéro, ça veut dire intestin. Et donc nous, on les voit dans les infections urinaires en réalité, puisque les infections urinaires sont issues, enfin les urines sont contaminées par les germes des intestins. Donc effectivement, l'avantage des urines, c'est qu'on peut faire des prélèvements et puis examiner, ce qui n'est pas le cas lorsque vous avez une bronchite. On ne va pas aller vous prendre des sécrétions à l'intérieur de vos poumons. Dans les urines, on fait une analyse d'urine. Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des germes qui deviennent résistants. Mais je ne parle pas de ces... Enfin, moi, nous, je ne sais même pas si c'est comment dire, étudié en ville, la vancomycine, par exemple, parce que c'est un antibiotique qu'on n'a pas le droit d'utiliser, nous, en ville. Il y a ça aussi, il y a une réglementation. Beaucoup d'antibiotiques ne peuvent pas être utilisés en ville pour justement ne pas être banalisés, on va dire, pour des infections qu'ils ne nécessiteraient pas, parce que c'est réservé pour les infections sévères. Allez, on poursuit cette discussion dans un instant, avec bien sûr toujours les messages et les questions des auditeurs, et puis on ira... On l'a dit tout à l'heure, au cœur de la cellule, pour voir exactement comment les bactéries résistent face aux antibiotiques. Dossier organisé avec la Fondation pour la Recherche Médicale. Et bien sûr, vous nous rejoignez, comme tous les jours, sur franceinter.fr. toutes les mamas. La voix de Morane à l'instant. La tête au carré. Sur France Inter. Ils sont précieux, utilisons-les mieux. Nouveau slogan, nouveau logo. La campagne de sensibilisation dévoilée ce matin par le journal Le Parisien répond à une urgence. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la pneumonie, la tuberculose ou la méningite sont de plus en plus difficiles à soigner, les bactéries devenant résistantes au traitement. Rien qu'en France, l'an dernier, 759 tonnes d'antibiotiques ont été prescrits aux humains, près de 500 aux animaux. Avec cette campagne, le ministère de la Santé espère les mêmes résultats qu'en 2001. Ah non, vous savez, les antibiotiques, c'est pas automatique. À l'époque, dans les 5 ans qui avaient suivi, la prescription des antibios avait chuté de près de 25% avant de repartir à la hausse. Une autre campagne a été lancée en 2010 qui n'a pas connu le même succès. En 2019, le message sera surtout diffusé sur les réseaux sociaux. Mais en parallèle, le gouvernement devrait annoncer tout à l'heure que 40 millions d'euros supplémentaires seront investis dans la recherche de nouveaux antibiotiques. Voilà, c'était donc en novembre dernier, confirmation depuis évidemment de ce budget alloué à la recherche. Donc la recherche continue finalement, Patricia Lefébure, quand même. Vous nous dites il n'y a plus de recherche autour des antibios. Je suis pas dans les petits papiers du gouvernement, mais j'imagine que les 40 millions développés, c'est pour la recherche publique et c'est ce qu'on demande. Oui. Parce que... Forcément, la recherche de l'industrie pharmaceutique forcément concerne les produits rentables financièrement. Mmh. Hein, chacun son travail. Et c'est pour ça qu'on est en rupture. Ça, c'est un autre sujet, mais en rupture de vaccins, en rupture de médicaments essentiels. Voilà. Donc là, j'espère que c'est de la recherche allouée. Elle est nécessaire, cette recherche, Xavier Nassif, justement. Oui, elle est nécessaire. Ouais. Il faut trouver un des moyens de lutter contre la résistance aux antibiotiques, c'est de trouver de nouveaux antibiotiques. Ouais. Vous savez, les bactéries, le plus difficile pour trouver un antibiotique, c'est de... bien les comprendre. C'est de bien les comprendre. Ouais. Donc, il faut bien voir qu'une bactérie, lorsqu'elle... il faut bien voir qu'on oublie trop souvent que lorsqu'on prend un antibiotique pour traiter une infection due à une bactérie, en fait, c'est toute notre microbiote qui va qui va être touché. Et il faut savoir qu'on estime qu'on a à peu près 10 fois plus de bactéries sur toutes nos cavités, l'intestin, la bouche, la peau, les voies génitales, etc., que nous avons de cellules qui nous composent. On en a 2 kilos, je crois, de bactéries. Deux hein. kilos, je sais pas, j'ai pas compté. On dit que c'est l'équivalent bon, à peu près de 2 kilos. Ouais, ça se compte en milliards, en tout cas. Ouais. Bon, de bactéries. Donc, vous imaginez une population qui se divise toutes les 20 minutes. Donc, lorsque vous prenez un antibiotique, c'est une bombe atomique que vous imposez à cette population. Ouais. Et donc, le seul moyen pour la bactérie de s'en sortir, et cette population bactérienne, elle va forcément, comme toutes les populations, il va y avoir des mutations, des réarrangements, Comment elle réagit, justement? Allons voir au cœur de la bactérie avec vous, microbiologiste. Comment réagit la bactérie face à l'antibiotique, justement? Face à l'antibiotique, c'est pas l'antibiotique qui induit la résistance. L'antibiotique ne fait que la sélectionner. Ce qui induit la résistance, ce sont des échanges, ce sont des mutations qui apparaissent normalement, mais dans une population, il y a toujours une très petite fraction de la population qui va se muter, 1 sur 1 million, 1 sur 10 millions. Mais quand vous avez des milliards de bactéries, donc vous allez avoir beaucoup de mutants. Et la seule chose que va faire l'antibiotique, ça va être de tuer les bactéries saines et de garder les bactéries malades, c'est-à-dire celles qui portent des gènes de résistance aux antibiotiques. Ce sont donc des malades. C'était le commentaire de Jean Duval dont vous parliez tout à l'heure. Ce sont des bactéries malades, les bactéries résistantes. Et ben, comme on prend les antibiotiques, on sélectionne on donne un avantage aux malades par rapport aux bactéries normales. Voilà. Patricia Lefébure. Oui, c'est la raison pour laquelle on insiste aussi auprès des patients pour qu'ils prennent leur traitement jusqu'au bout. Oui. Parce que paradoxalement, on peut se dire, on va en prendre moins et ça sera mieux. Oui. Mais non, justement, parce que effectivement, je leur explique que en prenant un traitement, au départ, on va tuer les bactéries les plus sensibles, 3/4. Donc c'est vrai qu'on est au bout de 2 jours, on se sent bien quand on a pris un antibiotique. C'est 48 heures à peu près pour qu'un antibiotique soit efficace. Enfin, on le sente, voilà, que la fièvre disparaisse en tout cas. Mais il reste 25%, alors les chiffres je ne connais pas exactement, de bactéries qui sont les plus résistantes. Et que si celles-là, elles ne seront... on n'en arrivera à bout qu'en prolongeant le traitement sur une certaine durée. Voilà. Donc c'est important que les patients prennent leur traitement jusqu'au bout. Ce slogan, les antibiotiques, c'est pas automatique, avait marqué les esprits. Hein, autant des patients que des médecins, d'ailleurs prescripteurs. Et c'est vrai que depuis, on n'a pas fait mieux en slogan. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aujourd'hui? Voilà, les bons gestes à avoir par rapport aux antibiotiques, c'est quoi? Sur le slogan, donc effectivement, je confirme, les gens nous parlent encore des antibiotiques, c'est pas automatique. Et j'en profite. Bien, on l'a retenu. Ouais. Exactement. Et j'en profite pour dire que aussi, on met souvent, effectivement, la responsabilité sur les médecins qui prescrivent trop, pas assez, trop longtemps, pas ceci, pas cela. On est énormément aidé quand même s'il y a des mesures de santé publique et effectivement des campagnes de santé publique. Et c'est vrai pour tout. Hein. Là, on parle des antibiotiques, mais c'est vrai aussi pour le tabac. Ouais. Le tabac a pas mal diminué, heureusement. S'il y avait pas toutes ces campagnes, on n'y arriverait pas. Pour revenir aux antibiotiques, donc effectivement, ça nous a énormément aidé parce qu'on n'est plus obligé de batailler envers des patients qui pensent qu'effectivement les antibiotiques c'était automatique et que sinon on allait mourir si on prenait pas d'antibiotiques. Les conseils qu'on donne, que je peux donner aux patients, donc D'autant que la consommation repart à la hausse, c'est ça, depuis 2-3 ans? Depuis même plus que ça, depuis 5-6 ans, ça repart un peu à la hausse. Alors oui, c'est ça, c'est les chiffres statistiques, c'est toujours la même chose. Ça repart à la hausse comme on a plus d'antidiabétiques, comme on prescrit plus d'antihypertenseurs. C'est juste parce que la population repart. Peut-être pas que, mais en tout cas, parce que la population est en hausse et qu'en plus, c'est la population de gens âgés, fragiles, pour lesquels, effectivement, les antibiotiques sont plus nécessaires. Quand vous avez 85 ans et que vous avez une pneumopathie, il n'est pas question de vous en sortir. Enfin, c'est difficile de vous en sortir tout seul, plus que quand on a 15 ans. En tout cas, apparemment, la consommation moyenne en France est plus importante que dans de nombreux pays, dont les États-Unis, par exemple, je crois, ou la moyenne de l'Europe. Alors, les États-Unis, je ne connais pas. Je sais qu'il y a des pays où, effectivement, en Allemagne, aux Pays-Bas, par exemple, où ils consomment peu d'antibiotiques, peu de médecins. Encore une fois, il y a pas mal d'infections qui peuvent se guérir toutes seules aussi, même bactériennes. Xavier Nassif. Paradoxalement, aux États-Unis, ils ont plus de problèmes de résistance que nous, même s'ils consomment moins d'antibiotiques. Ouais. C'est parce qu'aux États-Unis, lorsque vous avez un nouvel antibiotique, il va automatiquement être d'emblée prescrit au patient parce qu'on se doit de lui donner le meilleur traitement au temps actuel, et pas forcément l'antibiotique le plus ancien. D'accord. Donc il y a une politique, c'est presque culturel comme différence. D'accord. Mais alors, Patricia Lefébure, un médecin qui prescrit peu d'antibiotiques, c'est plutôt bon signe ou pas? Alors ça, je m'assure sur ce. On peut pas juger un médecin juste sur ses prescriptions. Ça dépend de la patientèle qu'il est. Par exemple, un médecin qui travaille essentiellement en EHPAD, en établissement pour personnes âgées dépendantes, évidemment, qu'il va prescrire beaucoup plus d'antibiotiques qu'un médecin qui fait essentiellement de la nutrition, par exemple. Donc ça dépend de la patientèle. Donc je ne juge pas. Il y a pas de bon et mauvais médecin. Ce qu'il faut, c'est avoir une bonne relation avec les patients et avoir une attitude cohérente lorsqu'on responsabilise les patients, il y a pas de souci. Moi, je leur fais souvent une prescription, ce qu'on appelle différée, c'est-à-dire de leur dire, écoutez, tout ce qui est viral, ça dure 3 jours, vous allez avoir 3 jours de fièvre, c'est normal. Si le 4e jour, il y a toujours de la fièvre, vous prenez les antibiotiques à ce moment-là. Vous pouvez prendre cet antibiotique, voilà. Et finalement, à chaque fois, la consultation après, je dis, vous avez pris l'antibiotique. S'est passé, mais il avait le traitement et il savait qu'il était responsable et les gens sont responsables, heureusement. Xavier Nassif, pour terminer cette question de Dominique, un auditeur, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus la phagothérapie? Est-ce parce que le procédé n'est pas brevetable? Alors, en une minute, qu'est-ce que c'est et pourquoi on l'utilise pas plus? Les phages, ce sont des petits bouts d'ADN, ce sont en fait des virus qui sont spécifiques des bactéries, qui rentrent dans les bactéries et qui les tuent. Le problème d'utiliser la phagothérapie est qu'il faut un phage pour une bactérie, c'est-à-dire que pour chaque espèce bactérienne et à l'intérieur de chaque espèce, pour chaque souche, il faudrait un phage. Donc, si vous voulez, c'est utiliser la phagothérapie, c'est de la médecine, c'est quasiment de la médecine personnalisée. Ce qui est donc un handicap important. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux, Xavier Nassif et Patricia Lefébure. Xavier Nassif, donc, je rappelle que vous êtes le parrain de ce dossier de la Fondation pour la recherche médicale dans le magazine Recherche et Santé, consacré donc aux antibiotiques, une ressource à protéger. Et puis, évidemment, à l'intention de nos auditeurs, si vous souhaitez aider la Fondation pour la recherche médicale dans de très nombreux domaines de la recherche, eh bien, vous pouvez justement faire vos dons en allant sur le site frm.org. Il est bien sûr en lien sur la tête au carré. Et vous pourrez également vous procurer ce numéro de Recherche et Santé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. À bientôt. Bon après-midi. Ainsi s'achève cette tête au carré. Merci à Serge Viguier qui était à la technique et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.